إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui, plutôt on commence le cours 14 aujourd'hui dans l'explication de l'aqida des deux razi, aqida al-raziyin, avec le sharh de Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah. Et le titre de son sharh c'est Qurratul Aynain bi tawdih ma'ani aqida al-raziyin. Et les deux razi, hein, comme on l'a expliqué au début du cours, dans le premier cours, on a dit c'est les deux imams, les deux grands imams parmi les imams des salaf al-salih, Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a. Et donc ça c'est deux parmi les grands ulama de la Umma, les deux imams. Ils étaient des contemporains de l'imam Ahmad ibn Hanbal et des grands imams parmi les ulama de Hadith et de la Sunna. Donc ils ont énuméré des éléments ou des points ou des fondements ou des principes de la aqida des salafs et de leur méthodologie, de leur manhaj, et ils les ont, les élèves de ces ulama les ont mis par écrit. Et donc, on profite de ça aujourd'hui, alhamdoulilah, et il y a des grands ulama de notre époque, et du passé aussi, et de notre époque, qui les expliquent ces points-là et ces fondements de la aqida des salafs. Et donc, jusqu'à maintenant, on a expliqué plusieurs points. On est arrivé au dixième point dans la aqida des deux razi. Et c'est le point numéro 10, al-mizan. Al-mizan, la foi en la balance au jour de la résurrection. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala va peser nos œuvres, les actions qu'on a faites. Et le cheikh, les deux imams, ils disent wal-mizan alladhi lahu kiffatan. يُوزَنُ فِيهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا حَقٌّ. Donc ils disent que la balance par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va peser les œuvres des serviteurs, les bonnes et les mauvaises, et cette balance elle a deux plateaux, hein, deux plateaux sur lesquels les œuvres sont posées et par lesquels Allah va peser les actions des serviteurs, les bonnes et les mauvaises. Donc on a expliqué les preuves à ce sujet-là au dernier cours, hein, et on a parlé des adillah, des preuves du Coran et de la Sunna. On continue donc dans qu'est-ce que Cheikh Rabi' hafizahullah était en train d'expliquer à ce sujet. Et il parle maintenant du fait qu'il y aura 70 000 parmi les croyants qui vont entrer dans le paradis sans jugement et sans châtiment. Et de chaque 1000 parmi ces 70 000, à chaque 1000 de ces 70 000, il y en a 70 000 autres qui rentrent avec eux. Donc le cheikh il explique, il dit سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَمَعْ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفٍ كَمَا فِي بَعْضِ الْأَحَدِيثِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. Donc, il y a 70 000 parmi les musulmans de cette Ummah, et avec chaque tranche de 1000, il y en a 70 000 autres qui rentrent. Et ça, c'est expliqué dans plusieurs hadiths, et ceux-là rentrent au paradis sans jugement et sans châtiment. comme c'est rapporté par l'imam Ahmad et al-Tirmidhi et Ibn Majah, selon Abi Umama radiyallahu anhu, il dit, يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل ألف 70,000 وثلاث حثيات من حثياته. نعم. Donc ce hadith, il est rapporté selon Abi Umama radiyallahu anhu, et il dit que il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: mon Seigneur m'a promis de faire entrer au paradis parmi les gens de ma umma 70,000 sans jugement et sans châtiment, et avec chaque 1,000 70,000 et 3 poignées de ses poignées. C'est-à-dire que dans d'autres hadiths, c'est mentionné que certains parmi les mu'minin, hein, qui vont être en enfer, Allah subhanahu wa ta'ala va prendre des poignées d'entre eux pour les faire rentrer au paradis. Donc ça, c'est parmi les gens qui vont recevoir de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh explique qui sont ces 70,000. Il dit was 70,000 haoula هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون ولا وعلى ربهم يتوكلون. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه أنه يدخل من هذه الأمة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، ودخل عليه الصلاة والسلام منزله فخاضوا، فقال بعضهم هم أصحاب محمد، قال ناس هم أبناؤنا الذين ما وقعوا في الشرك، قالوا كذا، كل واحد يفسر بحسب ما يفهم. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وهم في الحوار، في الحوار هذا، فسألهم، قالوا حدثنا بهذا الحديث، حدثنا بهذا الحديث، أرادوا أن يبين لهم معناه، حدثنا بهذا الحديث وأرادوا أن يبين لهم معناه. فقال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. Donc Cheikh Rabi hafizahullah, il dit que ces 70,000 là, ce sont ceux qui la yastarqun. Qu'est-ce que ça veut dire la yastarqun? Ils demandent pas à quelqu'un de leur faire la ruqya. Ils demandent pas à quelqu'un de leur faire la ruqya. Et la yatatayyarun, c'est-à-dire, c'est pas des gens qui croient en des superstitions ou en des mauvais présages, ou en des bons présages, des trucs de ce genre. Ils sont pas superstitieux, parce que ça, c'est contraire au tawhid, c'est contraire à la foi. Wala yaktawun, ils ont pas recours au fer chaud comme un traitement, parce que ça, c'est quelque chose que dans la médecine traditionnelle arabe, ils utilisaient. C'est-à-dire que lorsqu'ils avaient certaines maladies ou certains malaises, eh bien, parmi les traitements traditionnels que les Arabes auxquels ils avaient recours, c'est le fer chaud qu'ils appliquaient à certains endroits du corps pour guérir certains malaises ou certaines maladies. Voilà yaktaroun. Donc c'est ça, al-karmi. Et وعلى ربهم يتوكلون, c'est-à-dire, et ils mettent leur confiance en leur Seigneur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a mentionné ça, c'est lors d'un événement qui s'est produit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné aux sahaba que 70,000 parmi les musulmans de la Umma allaient rentrer au paradis sans jugement et sans châtiment. Et puis après avoir dit ça, il est rentré chez lui. Alors les sahabas ont commencé à discuter entre eux pour essayer de comprendre et de savoir qui pouvaient être ces 70,000. Certains d'entre eux ont dit ce sont les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ont dit ce sont nos enfants qui sont nés dans l'islam et qui n'ont jamais commis de shirk. D'autres ont dit d'autres explications. Chacun essayait d'interpréter selon sa compréhension. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est sorti auprès d'eux alors qu'ils étaient en train de discuter et de dialoguer entre eux à ce sujet-là. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a demandé à quel sujet ils discutaient. Alors il a mentionné le sujet du hadith et ils ont voulu la signification du hadith de la part du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu en leur disant que ces 70 000 sont ceux qui ne demandent pas la ruqya, qui ne croient pas ou qui ne croient pas en les superstitions, qui n'ont pas recours au fer et qui mettent leur confiance en Allah. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite, le cheikh il dit at-tawakkul wa ma anna ar-ruqya ja'iza walakin yatrukunaha raja'a hadha ath-thawab. Ar-ruqya laysat muharrama, ar-ruqya shar'iyya laha shurutaha, fahum la yastarqun. Donc le cheikh il dit, premièrement, il faut comprendre que c'est par rapport au fait de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit la ruqya elle est permise, mais yani, il la délaisse par espoir d'avoir cette récompense. La ruqya ce n'est pas quelque chose qui est interdit dans l'islam. La ruqya qui est faite selon les règles de la sharia et qui respecte les conditions de la sharia, ça c'est pas quelque chose qui est interdit, sauf que ces 70 000, eh bien eux, par espoir et parce qu'ils veulent obtenir cette récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ils la délaissent et ils n'y ont pas recours. Ils ne demandent pas à quelqu'un de leur faire. Parmi les ulama, il y en a qui ont expliqué que si quelqu'un te fait la ruqya, tu peux quand même faire partie des 70 000, mais qu'est-ce qui fait que tu ne feras pas partie de ces 70 000, c'est lorsque tu demandes à quelqu'un d'autre de te le faire. Si tu te le fais à toi-même, ou si quelqu'un te le fait sans que tu lui demandes, ça c'est correct. Par contre, si tu demandes à quelqu'un de te faire la ruqya, c'est là que, disons que ton tawakkul, le niveau de façon dont tu dépends uniquement à Allah, diminue. Il part du niveau de la perfection, puis il devient, disons, moins complet, moins parfait. Et ensuite, il dit, tu voulais dire quelque chose? Allahu a'lam, je ne sais pas. Je vais vérifier après, inshallah. والطيرة من الشرك لا يتطيرون والحمد لله. لماذا؟ لأن عندهم توكل على الله سبحانه وتعالى. التطير c'est la même chose. الطيرة والتطير c'est les superstitions. Ils l'appellent التطير à cause des oiseaux, parce que les Arabes avaient parfois recours à justement les oiseaux pour prendre des décisions dans leur vie. S'ils voyaient par exemple que les oiseaux volaient de telle direction ou dans tel sens, ils sortent de chez lui, ils voient des oiseaux qui volent dans telle direction, ah, ça c'est un mauvais présage, on voyage pas aujourd'hui, on va voyager demain. Ou bien, il y en a plein d'autres superstitions de ce genre. Alors que le vol des oiseaux n'a rien à voir avec qu'est-ce qui arrive dans ta vie. Ça c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné. Et donc, tu mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et tu voyages. Donc ça, c'est un exemple. Et donc, ça fait partie du shirk que de se baser sur des choses comme ça pour prendre des décisions dans les affaires de ta vie, alors que ces choses-là n'ont aucun effet réel sur qu'est-ce qui se passe. Alors, ceux qui font partie de ces 70 000-là, eh bien, ils ne se basent pas sur les mauvais présages ou sur les superstitions. Et alhamdoulilah. Pourquoi? Parce que ça fait partie du shirk. Et parce qu'ils mettent leur confiance uniquement en Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, وَلَا يَكْتَوُونَ الْإِكْتِوَى عِنْدَ الْحَاجَةِ جَائِزٌ لَكِنْ يَتْرُكُونَهُ رجاء هذا الثواب، فيجازيهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. الاكتواء comme on a dit tout à l'heure, c'est un traitement traditionnel chez les Arabes qu'ils utilisaient pour certaines maladies ou certains malaises. Et Cheikh, il explique que d'utiliser le fer chaud, il y a un nom spécifique pour ça en français, mais je ne me souviens plus. Un cautérisé, na'am. La cautérisation ou quelque chose comme ça. Ça, yani, lorsque c'est nécessaire ou lorsqu'il y a un besoin, c'est permis de le faire dans l'islam. Sauf que ceux-là, ces 70 000, ils le délaissent par espoir en Allah et en sa récompense. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala les récompense au jour de la résurrection en les faisant rentrer au paradis sans jugement et sans châtiment. Et on demande à Allah jalla wa ala qu'il fasse que nous soyons parmi eux. Amin. Le cheikh il dit ensuite wal mizan lahu kifatan kama warada fil hadith رجل يأتي يوم القيامة وله ذنوب ملأت سجلات كل سجل مد البصر 99 سجلا كلها مليئة بالآثام والأخطاء فيقول الله تبارك وتعالى هل تنكر شيئا من هذا فيقول لا يا رب فيقول هل لك عذر فيقول لا يا رب فيقول هل لك حسنة فيسكت فيقول الله بلى لك عندنا حسنة فتخرج له بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال أن تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات قال إنك لا تظلم فتوضع البطاقة وتوضع السجلات في الكفة الأخرى فترجح لا إله إلا الله نعم. Donc ça c'est le cheikh explique que al-mizan, c'est-à-dire la balance par laquelle Allah va juger les croyants et va peser leurs œuvres et leurs personnes au jour de la résurrection. C'est yani une balance qui a deux plateaux. Et au jour de la résurrection, quelqu'un va arriver et il aura des dossiers, comme des dossiers ou des recueils, dans lesquels on a enregistré tous les péchés qu'il a faits. Et ces recueils où ces péchés sont écrits sont tellement grands, tellement longs, que même si tu regardes à la distance de l'horizon, tu vois que ces dossiers-là ou ces recueils-là sont aussi loin que tes yeux peuvent regarder, tu les vois. C'est-à-dire il y en a tellement que le plus loin que tu peux voir, et tu les vois jusqu'à la limite de ton regard. 99 recueils qui sont tous tout remplis de péchés et de fautes. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va demander à la personne: est-ce que tu renies quoi que ce soit de ce qui est dans ces recueils? Alors il va dire non, ô mon Seigneur. Alors il va lui demander, Allah subhanahu wa ta'ala va lui demander: est-ce que tu as une excuse? Alors il va répondre non, ô mon Seigneur. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va lui demander: est-ce que tu as une hasana? Est-ce que tu as une bonne action? Est-ce que tu as quelque chose de bien? Alors il va se taire. Il va pas répondre. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire: certes, tu as une hasana. C'est-à-dire, certes, tu as une bonne action auprès de nous. Et il va lui sortir une petite carte. Une petite carte sur laquelle est écrit le témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Allah subhanahu wa ta'ala: qu'est-ce que cette carte peut faire? Qu'est-ce que cette petite carte peut faire à côté de la ilaha, qu'est-ce que cette petite carte avec écrit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dessus peut faire à côté de ces 99 recueils de péchés remplis, hein? Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui répond, lui dit, on ne va pas te faire aucune injustice. Alors on prend la carte en question et on la met sur un des plateaux de la balance, et on met tous les autres recueils de péchés dans l'autre balance, et la carte sur laquelle est écrit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pèse plus lourd que tous les 99 recueils de péchés qui sont dedans. Et donc la ilaha illallah est plus lourd que tous ces péchés là et ça c'est le hadith qu'on appelle le hadith de Al-Bitaqa. Le hadith d'Al-Bitaqa. Et en même temps, c'est un hadith qui nous montre la grandeur du témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, et de l'importance du tawhid, et de la grandeur du tawhid, et comment le tawhid efface les péchés. Et donc, tout ça c'est pour dire que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est grande. Le cheikh il dit que kiffatu la ilaha illallah turajjih wa tatish kiffat as-sijillat li'annahu la yathqulu ma'a ismi llahi shay' wa law wudi'at as-samawati as-sab' wa man fihin ghayra Allah tabaraka wa ta'ala wal aradun as-sab' fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah la malat bihin la ilaha illallah. Donc le cheikh il dit, la balance dans laquelle on a mis la ilaha illallah pèse plus lourd, hein, et elle fait pencher la balance par rapport à tous ces autres recueils, hein, elle est plus lourde que tous ces recueils, parce qu'il n'y a rien qui peut être plus lourd dans la balance que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, même si tu mets dans la balance d'un côté, sur un plateau, tu mets les sept cieux et tout ce qui est dedans autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et les sept terres, tu les mets dans un plateau, un côté de la balance, et de l'autre côté de cette balance, l'autre plateau, tu mets la ilaha illallah. Eh bien, la ilaha illallah va faire pencher la balance, parce que c'est plus lourd que les cieux et les terres et tout ce qui est dedans. Il dit ensuite que ça c'est bien entendu pour celui qui a dit la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, mais qu'il l'a dit avec pureté et sincérité, et qu'il l'a dit uniquement pour Allah, tabaraka wa ta'ala, purement pour Allah. Mukhlisan, hein? Donc il dit ensuite le cheikh, na'am, ah oui, en passant le hadith de Al-Bitaqa, le hadith de la carte, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad et par l'imam Tirmidhi et aussi par l'imam Ibn Majah, et c'est un hadith qui est rapporté selon Amr ibn Abdullah ou Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, et il est authentique. C'est un hadith sahih, il a été authentifié par Cheikh Al-Albani dans Silsilat al-Ahadith al-Sahiha, le hadith numéro 135. Na'am. Après le Cheikh il dit, وَقَدْ يَأْتِ إِنسَانٌ بِذُنُوبٍ دُونَ هَذَا بِكَثِيرٍ فَيَشَاءَ اللَّهُ أَنْ يُدْخِلَهُ النَّارُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هَذَا لِبَيَانِ رَحْمَتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَأَنَّهُ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وإذا أدخلك النار بذنبك فليس لك أن تقول كيف غفرت لهذا وعنده 99 سجلا وعنده 99 سجلا وتملأ الفضاء تملأ الفضاء وأنا ما عندي أعمال سيئة إلا قليلة وتسأل الله ذلك سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Donc le cheikh il dit, c'est possible que quelqu'un vienne au jour de la résurrection et que cette personne ait moins de péchés que la personne qui avait 99 recueils de péchés remplis. Et que Allah subhanahu wa ta'ala veuille que cette personne entre en enfer. Hein? Donc, il faut comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut, il le fait rentrer en enfer, et ça c'est pour montrer sa miséricorde. Et qu'il fait ce qu'il veut. Quelqu'un peut avoir des péchés qui remplissent les cieux et la terre. Et il le pardonne, il le fait rentrer au paradis par sa miséricorde. L'autre, il a moins de péchés que ça, puis il le fait rentrer en enfer par sa justice. Et donc, le cheikh il dit, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut, et il n'est pas questionné à propos de ce qu'il fait. Et on n'a pas le droit de lui demander pourquoi il fait ce qu'il fait. Hein? Mais il dit, il fait rentrer au feu, il te fait rentrer au feu pour tes péchés, et tu n'as pas le droit de dire, pourquoi as-tu pardonné à l'autre, alors qu'il avait 99 recueils qui remplissent les cieux, tandis que moi, j'ai seulement quelques péchés, et tu me fais rentrer en enfer. Tu n'as pas à demander cela, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a la sagesse ultime. Et on n'a pas à le questionner à propos de ce qu'il fait. Mais ce sont les créatures qui sont questionnées. Il dit, فَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ عِنْدَهُمْ دُونَ هَذِهِ الْخَطَايَا وَعِنْدَهُمْ أَعْمَالٌ صَالِحَةٌ وَلَكِنْ تُوزَنُ أَعْمَالُهُمْ فَإِنْ رَجَحَتْ أَعْمَالُهُمْ الصَّالِحَةِ دَخَلُوا الْجَنَّةِ وَإِنْ رَجَحَتْ سَيِّئَاتُهُمْ يَكُونُونَ تَحْتَ مَشِئَةِ اللَّهِ إن شاء عفى عنهم وإن شاء أدخلهم النار سبحانه بقدر ذنوبهم وإن تعادلت الكفتان فهم أصحاب الأعراف يكونون بين الجنة والنار تارة يلتفتون إلى أهل الجنة فينادونهم وتارة يلتفتون إلى النار فينادونهم ويعرفون بسيماهم إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى دخولهم الجنة ويدخلهم سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit que il y a beaucoup de gens qui ont moins de péchés que celui qui a 99 recueils de péchés, et ils ont aussi des bonnes œuvres, des bonnes actions qu'ils ont fait. On va peser leurs œuvres. Si les œuvres qu'ils ont fait, les bonnes œuvres qu'ils ont faites sont plus lourdes. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si les bonnes œuvres qu'ils ont faites sont plus lourdes que leurs péchés, eh bien ils vont rentrer au paradis. Si le côté ou le plateau sur lequel il y a les péchés, si c'est celui-là qui est plus lourd, dans ce cas-là, ils seront sous. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Dans ce cas-là, ils seront sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si le côté des péchés est plus lourd, ils seront sous la volonté d'Allah. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut, il va les pardonner. Et si Allah subhanahu wa ta'ala veut, il va les faire entrer en enfer selon la proportion de leurs péchés. Tandis que si leurs péchés et leurs bonnes œuvres sont à égalité, ils ont autant de péchés que de bonnes œuvres, alors ils vont faire partie de ce qu'on appelle Ashabul A'raf. Hein? Ashabul A'raf. Et yani dans le Coran, il y a la sourate numéro 7 qui s'intitule Al-A'raf et qui mentionne justement les gens d'Al-A'raf. Al-A'raf, c'est comme un mur entre le paradis et l'enfer. Et ceux dont les œuvres bonnes et mauvaises vont être à égalité, eh bien, ceux-là, ils vont se tenir sur ce mur. Parfois, ils vont être tournés vers les gens du paradis et ils vont s'adresser aux gens du paradis. Et parfois, ils vont être tournés vers les gens de l'enfer et ils vont s'adresser en criant aux gens de l'enfer, et on va les reconnaître. Hein? Ils vont être reconnus par des signes. Ils auront des signes sur eux qui vont faire en sorte qu'on pourra les reconnaître. Ils vont rester sur ce mur jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala décide. Puis ensuite, ils vont rentrer au paradis et Allah va les faire rentrer. Naam. Donc, ici à ce sujet, le cheikh il a mis en note de bas de page les explications d'un des grands ulama, Al-Hafiz Al-Hakami, à propos de la balance et des gens au jour de la résurrection. Donc il cite du livre d'Al-Hafiz Al-Hakami dans son livre Ma'arij Al-Qabul. Il dit « إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم لإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات. الطبقة الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم فأولئك يدخلون الجنة من أول وهلة ولا تمسهم النار أبدا. Donc Al-Hafiz Al-Hakami il dit, si tu as su ça, alors sache que ce qui a été affirmé par les versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce sur quoi les salafs salih parmi les premières générations des sahaba et les tabi'in qui les ont suivis de la meilleure manière, et les imams de l'interprétation du tafsir et des hadiths de la sunna, sont d'accord pour dire que les pécheurs de la Ummah, parmi les gens du Tawhid, sont divisés en trois catégories, sont divisés en trois degrés. Le premier degré, première catégorie, ce sont ceux dont les bonnes œuvres sont plus lourdes que les péchés. Et ceux-là vont rentrer au paradis du premier coup, et ils ne seront jamais touchés par le feu. Donc ça, c'est la première catégorie. Ils ont des bonnes actions plus lourdes que les mauvaises actions. Ils rentrent direct au paradis, ne sont pas touchés par le feu. Première catégorie. Deuxième catégorie, الطبقه الثانيه قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وتكافأت فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنه وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار فهؤلاء هم اصحاب الاعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا ثم يؤذن لهم في دخول الجنة كما قال تبارك وتعالى بعد أن دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى أصحاب الجنة ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة ولا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. Donc le cheikh explique que la deuxième catégorie, c'est ceux dont les bonnes œuvres et les péchés sont à équivalence et à égalité. Ils n'ont pas assez de bonnes actions, ou leurs bonnes actions ne sont pas assez lourdes pour les faire rentrer au paradis, mais leurs péchés ne sont pas assez lourds non plus pour les faire rentrer en enfer. Alors ceux-là sont ceux qu'on appelle Ashabul A'raf, les gens qui vont être sur le mur entre le paradis et l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala les a mentionnés dans le Coran en disant qu'ils vont se tenir entre le paradis et l'enfer, et ils vont rester là jusqu'à ce que Allah décide. Ils vont rester sur ce mur entre le paradis et l'enfer jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la permission de rentrer au paradis par la suite. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'après qu'il les fait rentrer, après avoir fait rentrer les gens du paradis au paradis et les gens de l'enfer en enfer, eh bien il mentionne dans le Coran qu'est-ce qui arrive aux gens de Al-A'raf dans les versets 44 à 49. Donc il dit les gens du, il dit ce qui signifie les gens du paradis crieront aux gens, aux gens du feu: certes, nous avons trouvé vrai ce que notre Seigneur nous avait promis. Avez-vous aussi trouvé vrai ce que votre Seigneur avait promis? Oui, diront-ils. Et quelqu'un va appeler et il va annoncer au milieu d'eux que la malédiction d'Allah soit sur les injustes. Ceux qui obstruaient le sentier d'Allah et qui voulaient le rendre tortueux ou difficile et qui ne croyaient pas en l'au-delà. Et entre les deux, c'est-à-dire entre le paradis et l'enfer, il y a un mur. Et sur ce mur, Al-A'raf, seront des gens qui reconnaîtront tout le monde par leurs traits caractéristiques. Et ils crieront aux gens du paradis: paix sur vous. Ils ne sont pas entrés, bien qu'ils le souhaiteraient. Qu'ils souhaiteraient, mais ils ne sont pas rentrés encore. Et donc il dit, et quand leurs regards seront tournés vers les gens du feu, c'est-à-dire les gens de l'enfer, ils diront: ô notre Seigneur, ne nous mets pas avec le peuple injuste. Donc ils veulent pas être avec les gens de l'enfer. Et il dit, et les gens de l'A'raf appellent certains hommes qu'ils reconnaîtront par leurs traits caractéristiques et diront: vous n'avez tiré aucun profit de tout ce que vous aviez amassé et de l'orgueil dont vous étiez enflé. Est-ce donc ceux-là au sujet duquel ou au sujet desquels vous juriez qu'ils n'obtiendront pas de la part d'Allah aucune miséricorde? Entrez au paradis, vous serez à l'abri de toute crainte et vous ne serez point affligés. Donc ça c'est le verset au sujet des gens de Al-A'raf. Et juste un point ici que je vais noter en passant par rapport à ça, certains traducteurs du Coran qui ont traduit l'essence du Coran, ils ont interprété ou traduit le terme Al-A'raf par comment ils ont dit ça? En fait, ils l'ont traduit par un terme de la religion catholique, en fait. Non. En fait, c'est que les chrétiens, ils croient que certaines personnes qui vont... ils vont pas aller en enfer, mais comme il y a un endroit qu'ils appellent le purgatoire, exactement, et qu'ils ont interprété Al-A'raf comme étant le purgatoire, alors que ça n'a rien à voir, tu vois. Donc c'est ça le danger parfois, de vouloir absolument traduire un terme arabe, islamique, par un mot français, et trouver pour chaque terme islamique un équivalent dans la langue française ou dans une autre langue. Alors que si tu utilises des termes d'une autre religion, comme les termes de la religion chrétienne ou la religion catholique, eh bien c'est automatique que tu vas transmettre des idées qui sont contraires à la réalité de qu'est-ce que l'islam enseigne. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas traduire chaque terme islamique par un terme français. Et qu'est-ce qui est mieux plutôt, c'est de le laisser comme ils ont décidé de faire dans cette traduction. Ils ont laissé Al-A'raf, Al-A'raf. Puis après, on l'explique. Soit on met une note de bas de page ou on mentionne des explications en parenthèse ou des choses comme ça. Mais de vouloir traduire chaque mot par un terme français, des fois tu sors avec des choses qui ne font aucun sens. Hein? Donc ça, c'est très important. Ensuite, il dit, ça c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, parmi ceux qui font partie des pécheurs, parmi les gens du Tawhid, c'est, le cheikh il dit, At-tabaqatu thalitha, qawmun laqullaha ta'ala musirrina ala kaba'il al-ithmi wal-fawahish, wa ma'ahum aslu al-tawhid, farujjihat sayyatuhum bihasanatihim, fahaulai humuladhina يدخلون النار بقدر ذنوبهم فمنهم من تأخذه إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حقويه ومنهم فوق ذلك حتى إن منهم من لم يحرم منه على النار إلا أثر السجود فحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود وهؤلاء هم الذين يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء من بعده والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه أي نعم. فيحد لهم حدا فيخرجونهم ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم ثم هكذا فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير ثم من كان في قلبه نصف دينار من خير ثم برة ثم خردلة ثم ذرة ثم أدنى من ذلك إلى أن يقول الشفعاء ربنا لم نذر فيها خيرا. On va traduire ça, puis après on continuera. La troisième catégorie, ce sont des gens qui ont rencontré Allah subhanahu wa ta'ala en persistant à faire des grands péchés et des turpitudes. Parmi eux, ces gens-là ont avec eux la base du tawhid, de la foi, mais ils ont fait des grands péchés et ils sont morts en persistant de les faire. Alors, ceux-là, leurs péchés sont plus lourds dans la balance que leurs bonnes œuvres. Et donc, ce sont ceux-là qui vont rentrer en enfer selon la proportion de leurs péchés. Il y en a qui vont être dans l'enfer jusqu'aux chevilles. Et d'autres jusqu'à la mi-jambe, et d'autres jusqu'à leur genou, et d'autres jusqu'aux hanches, et d'autres au-dessus de ça. Et il y en a parmi eux, il y en a qui vont être dans le feu au complet, excepté la partie qui ne sera pas brûlée par le feu, c'est la trace de la prosternation qu'ils avaient, car Allah subhanahu wa ta'ala va interdire au feu de brûler la trace de prosternation. Et donc, ce sont ceux-là qui vont mériter, ou pour qui Allah va permettre qu'il y ait une intercession pour eux. Parmi ceux qui vont intercéder, comme notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres également parmi les prophètes après lui, et ainsi que les hommes pieux. Pardon? Après lui. Après le prophète, ils vont intercéder après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, na'am. Ainsi que les hommes pieux, les anges, et ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu leur faire l'honneur, de cette intercession-là. Et il va leur donner une limite. Donc ils vont faire sortir de l'enfer tous ceux qui ont atteint cette limite-là. Hein? Et donc ils vont faire sortir de l'enfer tous ceux qui ont dans leur cœur le poids d'un dinar de foi ou de bien. Et donc, ils vont appeler tous ceux qui ont à cette limite-là et ils vont sortir. Ensuite, tous ceux qui ont le poids de la moitié d'un dinar. Et donc il va faire, et ça c'est l'autre limite, il va les faire sortir de l'enfer. Une fois que tous ceux-là sont sortis, il va leur mettre une autre limite. Tous ceux qui ont une foi qui équivaut à une graine de blé, il va les faire sortir de l'enfer. Tous ceux qui ont une foi ou un bien équivalent au poids d'une graine de moutarde, il va les faire sortir. Et ensuite, jusqu'à ce que celui qui a une graine de comme une atome, hein, ou une poussière de foi, il va les faire sortir de l'enfer, et moins que ça encore, hein, jusqu'à ce que les intercesseurs disent: ô notre Seigneur, nous n'avons laissé plus personne, nous n'avons laissé personne dans l'enfer de ceux qui avaient du bien et de la foi. Et donc il dit: wa yukhrij Allahu ta'ala min an-nar aqwaman la ya'lamu 'iddatahum illa huwa bidun shafa'ati ash-shafi'in wa lam yukhallid fi an-nar ahad min al-muwahhidin. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala va faire sortir de l'enfer des gens sans l'intercession des intercesseurs, et c'est seul Allah qui connaît leur nombre. Allah va faire sortir après l'intercession des intercesseurs, il va faire sortir de l'enfer des gens, seul Allah connaît leur nombre. Et il n'y a personne parmi les gens qui étaient sur le tawhid qui vont rester en enfer. Il dit: walau amila ayya amalin ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا منها وكل من كان أضعف إيمانا وأعظم ذنبا كان بضد ذلك والعياذ بالله. والأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثرة وقد قدمنا منها ما فيه كفاية. Donc le cheikh il dit ensuite que peu importe qu'est-ce qu'ils ont fait comme action, peu importe qu'est-ce qu'ils ont fait comme action, mais il faut savoir que toute personne parmi eux, parmi ceux qui vont sortir de l'enfer, parmi les muwahhidin qui sont en enfer, eh bien plus qu'ils avaient une foi grande et moins qu'ils avaient de péché, donc moins sévère sera leur châtiment dans l'enfer et moins grande sera leur durée, hein? Ils vont rester moins longtemps dans l'enfer et ils vont sortir plus rapidement selon leur niveau de bonnes œuvres et leur peu de péchés. Tandis que plus quelqu'un avait des péchés, hein, plus quelqu'un avait de la foi, hein, et plus que quelqu'un avait des péchés, et plus que... Kullu man kana ad'af, donc plus quelqu'un avait une foi faible, et plus qu'il avait plus de péchés, eh bien c'est le contraire. Il aura une durée plus longtemps, et un châtiment plus lourd, et plus dur, et il sortira moins rapidement. Donc c'est proportionnel. Wal'iyadhu billah. Et le cheikh il dit ensuite: wal'ahadithu fi hadha al-bab. Donc les hadiths à ce sujet-là, dans cette question, sont tellement nombreux qu'on ne peut même pas les calculer tellement. Et qu'est-ce qu'on a mentionné à ce sujet? C'est suffisant. Il dit: wa ila hadha al-ma'na ashara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bi qawlihi man qala la ilaha illallah نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه وهذا مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام وهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Donc le cheikh il dit que c'est à ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait allusion lorsqu'il a dit dans le hadith que celui qui dit la ilaha illallah, cela lui sera profitable un jour, et il sera atteint, hein, il sera touché avant cela par ce par quoi il sera touché, hein, donc selon ce qu'il avait comme péché. Et il dit que cette question et ce sujet-là, c'est un sujet dans lequel certains se sont égarés dans la compréhension et qui ont glissé, hein, qui n'ont pas resté sur le droit chemin par rapport à ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a guidé parmi les hommes ceux qui ont cru par rapport à des, aux choses dans lesquelles ils avaient divergé à propos de la vérité par la permission d'Allah, et Allah guide qui il veut vers le droit chemin. Et il fait allusion par ça, en mentionnant ça, et il veut faire allusion aux gens de la sunna, Ahlus Sunnah wal Jama'a. Tu peux faire tourner le ventilateur aussi pour les frères, comme ça les frères vont avoir un petit peu de fraîcheur, hein, eux aussi. Donc moi c'est correct. En ce moment, je ne bouge pas, donc j'ai pas chaud. Inch'Allah. Barakallahu fik. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Oui, on est rendu là. Donc, Cheikh Rabi' Hafizahullah, il dit: « وَهُنَا مِنْ عَدْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا اجْتَازُوا الصِّرَاطِ يُوقِفُهُمُ اللَّهُ عَلَى قَنْطَرَةٍ بين الجنة والنار لإقامة العدل ولاقتصاص المظلومين من الظالمين فيقتص للمظلوم من الظالم وإن كان الظالم من أهل الجنة ويقتص منه لأن حقوق العباد لا تسقط بأي حال من الأحوال حتى يقتص لهذا المؤمن من الظالم الكافر إذا ظلمه بغير حق وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى هذه قنطرة يعني يطهر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بهذا القصاص فمن كان عنده مظلمة اقتص منه ومن ليس عنده مظلمة الحمد لله وهو من أهل السعادة. Donc le Cheikh il explique ici que également parmi les choses qui montrent la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les croyants, c'est que lorsque les gens auront terminé de passer sur le pont qui sera sur l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala va les faire arrêter va les faire arrêter sur qu'est-ce qu'on appelle en arabe Al-Qantara. C'est un petit pont entre le paradis et l'enfer, et il va établir la justice entre les croyants en établissant le talion. Si, c'est-à-dire la justice, s'il y a eu des choses qui ont été faites comme injustice entre les mu'minins, ce jour-là, ces injustices-là vont être réglées avant de rentrer au paradis. Donc on va prendre à celui qui a fait une injustice, à celui qui a été, on va juger entre celui qui a été opprimé et celui qui a fait l'injustice, et si l'injuste fait partie des gens du paradis, on va établir la justice entre lui et celui qui l'a opprimé. Parce que les droits des serviteurs ne vont pas tomber pour quoi que ce soit. Comme les ulama ont expliqué que si les croyants font des péchés parfois, et certains de ces péchés-là sont uniquement par rapport aux droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que la personne elle fait un péché et c'est entre elle et Allah, elle n'a pas nui à une autre personne dans ce péché-là. Donc dans ce cas-là, yani, si elle demande pardon, Allah subhanahu wa ta'ala peut la pardonner. Si elle meurt sur ce péché sans se repentir, Allah subhanahu wa ta'ala peut lui faire miséricorde. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, il peut pardonner, hein, si on lui a fait... on n'a pas respecté son droit, ou on lui a manqué dans son obéissance, ou des choses de ce genre, si on a fait un péché ou quelque chose comme ça. Toutefois, les droits entre les créatures, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que si une créature ne nous a pas excusé ou pardonné dans cette dunya, eh bien ce droit-là il reste jusqu'au jour de la résurrection. Et tant que la justice ne sera pas établie entre celui à qui l'injustice a été faite et celui qui a fait l'injustice, eh bien, ils ne pourront pas, ça ne pourra pas passer. ça ne pourra pas tomber. Et donc le cheikh il explique, il dit لِأَنَّ حُقُوقَ الْعِبَادِ لَا تَسْقُطْ بِأَيِّ حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ حَتَّى يُقْتَصْ لِهَذَا الْمُؤْمِنِ مِنَ الظَّالِمِ الْكَافِرِ إِذَا ظَلَمَهُ بِغَيْرِ حَقٍ. Donc il dit peu importe, il dit les droits des serviteurs ils ne tombent jamais, ils ne peuvent pas être oubliés ou être mis de côté en aucun cas jusqu'à ce que le droit ait été réparé pour ce croyant-là de la part de celui qui lui a fait une injustice ou qui a l'injuste mécréant lorsqu'il lui a fait une injustice sans aucun droit. Et il dit donc ça fait partie de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y ait ce pont ou cette place où qu'on appelle Al-Qantara, là où il y aura cette justice-là, et Allah va purifier les croyants par cette par ce qisas, par ce talion ou cette justice qu'il va établir. Donc celui qui avait une cause à débattre, celui qui avait une cause à régler avec une autre personne, eh bien ce sera réglé ce jour-là. Tandis que celui qui n'avait aucune cause d'injustice à réclamer ou à demander, alors alhamdulillah sera dû. Al-qisas, c'est traduit al-qisas par le talion, mais en fait ça veut dire la justice. C'est-à-dire quand il y a une cause, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, un œil pour un œil, une dent pour une dent, une vie pour une vie, et ainsi de suite. C'est-à-dire c'est la justice en fait. Et donc celui qui n'avait pas subi aucune injustice, qui n'avait pas fait d'injustice à la personne, il fait partie des gens du bonheur. Et il y a un hadith à ce sujet-là qui est mentionné dans Sahih al-Bukhari et qui est rapporté selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا أدل بمنزله كان في الدنيا. Donc le cheikh il explique ici que c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari. Et dans ce hadith, il est rapporté sur Abu Sa'id al-Khudri. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque les croyants auront fini de passer sur l'enfer, ils vont être arrêtés à un pont entre le paradis et l'enfer, qu'on appelle Al-Qantara. Et on va établir la justice pour les causes d'injustice qui ont été ramenées ce jour-là et qui avaient été causées dans cette dunya, dans cette vie d'ici-bas. Si quelqu'un avait fait une injustice à quelqu'un d'autre, eh bien c'est là que cette justice-là va être établie. Donc si quelqu'un, par exemple, dans cette vie d'ici-bas, il a fait une injustice à quelqu'un d'autre et qu'il a réussi à s'échapper de la punition ou de réparer cette injustice dans cette vie, eh bien au jour de la résurrection, il ne peut pas s'échapper. Cette injustice-là doit être arrangée et corrigée et réglée. Et donc c'est ça qui est mentionné dans ce hadith-là. Et tout ce qu'il y avait comme problème entre deux personnes au jour de la résurrection, comme injustice ou quoi, ça va être réglé. Et ils vont être purifiés et nettoyés de cette impureté-là ou de ce péché-là ou de cette injustice. Et après, on va leur permettre de rentrer au paradis. Naam, c'est-à-dire que si tu peux pas le réparer parce que tu n'as pas moyen de retrouver la personne, on va dire que tu as fait un péché, tu as manqué à... t'as fait une injustice à quelqu'un. Supposons, quelqu'un, il a volé à quelqu'un dans le passé. Et puis après, il s'est repenti. Il veut réparer l'erreur qu'il a fait, remettre à la personne qu'est-ce qu'il lui a volé. Mais la personne, ça fait tellement longtemps, il ne sait plus où elle habite, où elle est, il ne peut pas la retrouver. Il ne connaît pas son numéro, il ne connaît pas son email, il ne connaît pas son adresse, il ne sait même plus dans, si elle est encore dans le pays ou ailleurs. Alors qu'est-ce qu'elle peut faire dans ce cas-là? Elle peut faire des invocations pour la personne. Hein? Ou bien aussi, il y en a qui parlent, les ulama ont dit par exemple, si quelqu'un il a parlé dans le dos d'un autre, en principe tu es supposé d'aller voir la personne que, dans le dos duquel tu as parlé. Et de lui dire, mon frère, j'ai parlé dans ton dos, j'ai dit telle chose. Et la personne, donc après tu lui dis, bon, je te demande que tu me pardonnes pour qu'est-ce que j'ai fait. Si la personne accepte, elle va te pardonner, mais si elle refuse, eh bien, ou bien plutôt, si tu penses qu'en allant la voir, cette personne, puis en lui avouant que tu as parlé dans son dos, elle risque de ne pas te pardonner justement, ou que ça va créer plus de problèmes, ça va créer plus d'histoires, plus de complications que ne pas le dire. Donc dans ce cas-là, tu peux, au lieu de lui admettre, juste faire des invocations pour lui. Et ça, d'ailleurs, des invocations pour le bien, pour cette personne. Soit du bien dans cette vie d'ici-bas ou dans l'au-delà. Et en même temps aussi, tu peux réparer le... Comme si tu vas dire de lui, Yanni, tu vas dire de lui du bien qui va effacer le mal que tu as dit sur lui ou des choses négatives que tu avais dit à son sujet. Donc tu vas corriger le mal que tu lui as fait en parlant en mal de lui derrière son dos, en disant du bien de lui. Hein? Wallahu ta'ala a'lam. Donc, ensuite, le cheikh il dit, Naam, wa qawluhu haqq, yani khabaran mubtada, yani wal mizan haqq, wa lahu kiffatan, wa kaza. Hadhi sifatun lahu. Donc, dans la parole des deux imams, Ar-Raziyan, au début de cet énoncé au sujet de Al-Mizan, la phrase ça se lit de cette façon. والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق. Cheikh il dit en fait que le terme à la fin حق c'est le khabar de al-mizan. Al-mizan حق. C'est comme s'il a séparé le mubtada et le khabar par une phrase à l'intérieur. Et la phrase, c'est quoi? C'est الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها. Donc, c'est comme s'il a, il a mis à l'intérieur d'une phrase une phrase, sur, comme on dit, juxtaposée. Et donc, c'est comme s'il disait la balance qui a deux plateaux dans lesquels on va peser les œuvres des serviteurs, les bonnes et les mauvaises. Est véridique ou est une vérité. Donc il a mis le mot vérité à la fin, mais c'est en réalité c'est la balance est vérité ou elle est vraie et véridique. C'est quelque chose de réel. C'est pas comme les Mu'tazila ou les gens de Bid'a qui disent c'est quelque chose d'allégorique. C'est pas une vraie balance. Elle n'a pas une langue qui indique la direction du poids ou de plateau pour de vrai. Parce que ça, c'est les gens de Bid'a, ils nient ça. Et le Cheikh, c'est ça qu'il mentionne justement ici. Il dit, Cheikh Rabi' Hafizahullah, il dit, Al-Mizanu yunkiruhu al-Mu'tazila. Al-Mizanu zul kiffatayn, kama warada fil ahadith, kama ja'at fi hadith, yu'ta bil rajul al-dakhm, al-azim, yawm al-qiyama, fala yazinu inda Allah mithqala dharra. وابن مسعود رضي الله عنه يوما رقي شجرة ليجتني منها سواكا فتعجب الناس من دقة ساقيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. فهؤلاء ينكرون كيف توزن الأعراض وينكرون وزن الأشخاص أيضا. الميزان توزن فيه الأعمال وتوزن فيه الصفحات ويوزن فيه العاملون وتوزن فيه الصحائف الأعمال كلها توزن كما في هذه الأحاديث. حديث السجلات ذكر فيه أنها توزن السجلات والأعمال فيها السيئات وهي الأعمال توزن معها. Donc le cheikh il explique ici que les Mu'tazila eux ont renié la balance au jour de la résurrection qui a deux plateaux tel qu'il est mentionné dans les hadiths. Parce que les Mu'tazila ils sont en fait je dis ça yani, c'est la réalité, c'est des gens en fait ils sont idiots nasallallahu alayhi wa sallam, même s'ils prétendent être intelligents et philosophes et rationnels, mais la réalité c'est qu'ils sont idiots. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de comparer, de faire des analogies entre la vie d'ici-bas et qu'est-ce qu'ils voient avec leurs yeux et qu'est-ce qu'ils touchent avec leurs mains, qu'est-ce qu'ils sentent, avec le monde de l'au-delà et les choses qui se passent dans l'au-delà et après la mort. Donc ils essaient de juger qu'est-ce qui se passe après la mort et qu'est-ce que Allah et le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit après la mort. Ils essaient de juger ça par rapport à qu'est-ce qu'ils connaissent de la vie d'ici-bas, alors que tu ne peux pas faire ce genre d'analogie là entre les deux, puisque les deux sont totalement c'est-à-dire c'est pas les mêmes réalités, c'est pas des réalités semblables. Donc de nier ce qui a été mentionné dans les textes à propos de l'au-delà en se basant sur qu'est-ce que toi tu vois dans cette vie d'ici-bas, c'est totalement ridicule. Et donc c'est pour ça que je dis ça. Mais le cheikh il dit que eux ils nient, et donc ils nient qu'il y a une balance avec deux plateaux et ainsi de suite, et que cette balance là va peser même les hommes, pas seulement les œuvres et les livres, mais aussi les hommes eux-mêmes. Et c'est mentionné dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Huraira, qui mentionne que on va ramener un homme immense. Peut-être que c'est un homme obèse et extrêmement pesant. On le ramène sur la balance au jour de la résurrection et il ne pèsera même pas le poids d'une atome. Subhanallah. Donc c'est pour dire... c'est pour dire que cette balance-là, elle ne pèse pas seulement le poids de l'homme dans sa matière, mais elle pèse la réalité de cet homme. Et qu'est-ce qu'il a par rapport à sa foi et par rapport à ses œuvres et ainsi de suite. Et c'est le hadith en question dit « Innahu la ya'ti rajul al-azim samin » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « On va ramener l'homme qui est gros ». Gras, et on le met sur la balance au jour de la résurrection. La yazinu indallah janaha ba'uda, il va même pas peser l'aile d'un moustique. Wa qala iqra'u fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna, c'est-à-dire que au jour de la résurrection Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie on ne leur donnera aucun poids au jour de la résurrection. Et c'est le verset 105 dans Sourate Al-Kahf. Et aussi, il mentionne l'exemple de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Une fois, il est monté dans un arbre pour aller prendre un siwak, pour se nettoyer la bouche, pour couper un morceau de bois pour se nettoyer la bouche. Et les gens se sont étonnés de la finesse de ses jambes, à quel point elles étaient fines et minces. Alors il rigolait en le voyant, et il se moquait de ses jambes. Alors qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Il dit « Par celui qui tient mon âme en sa main, ses deux jambes sont plus lourdes que Uhud dans la balance. » Ses deux jambes sont plus lourdes que Uhud dans la balance. Donc ça veut dire que ce n'est pas par rapport à la grosseur ou à le poids ou des choses comme ça, non. C'est autre chose. Et donc, le cheikh dit que les Mu'tazila, eux, ils nient que les personnes soient pesées, que les actions soient pesées, hein, et ainsi de suite. Ou des choses comme ça. Il y a des hadiths qui mentionnent que dans le jour de, au jour de la résurrection, tes actions vont même te parler. Tes actions vont être personnifiées, puis ils vont venir et vont te parler, elles vont s'adresser à toi. Et des choses comme ça. Même qu'est-ce que tu as mémorisé du Coran, hein, ça va se présenter à toi. Tout ça. Donc c'est des choses que eux ils nient, les Mu'tazila. Et le cheikh il dit les pages des livres sur lesquels tes œuvres sont écrites, ça va être pesé. Et les personnes qui ont fait les actions vont être pesées. Les feuilles, les livres, les recueils, tout ça, ça sera pesé. De même que les actions qu'il y a dedans, les bonnes et les mauvaises, tout ça, ça sera pesé. Puis le cheikh, il termine ce point-là en disant, ou bien en mentionnant le hadith qu'on a mentionné tout à l'heure, hadith ibn Mas'ud radiallahu anhu wa hadith, yu'ta bir rajul al-azim, fala yazinu indallahi janaha ba'udah. قال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا يدلان على أن الأشخاص يوزنون والأعمال توزن والصحائف توزن كل ذلك دلت عليه الأحاديث وهذه كلها حجج تدحض أباطيل المعتزلة والخوارج الذين ينكرون الوزن وزن الميزان ذي الكفتين والميزان Donc le cheikh il dit que ça c'est le hadith qu'on a lu tout à l'heure, l'homme il va être gros, il va être grand, on le met sur la balance, il ne pèse pas plus que l'aile d'un moustique. Donc ça c'est la preuve qu'il y aura des balances et que les hommes seront pesés, leurs œuvres seront pesées, leurs actions seront pesées et les pages des livres de leurs œuvres seront pesées aussi. Et tout ça, ça vient réfuter, hein, qu'est-ce qui est mentionné, yani, par les Mu'tazila et les Khawarij qui nient le poids et la pesée des actions et des œuvres et des personnes. Et que cette balance, elle a deux plateaux, hein. Donc tout ça, c'est des exemples. Donc les Mu'tazila, eux, ils disent, par exemple, mais Allah, il n'a pas besoin de balance pour peser, il peut peser sans les balances ou des choses de ce genre. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu utiliser ces balances-là pour établir la preuve contre nous et pour nous montrer, hein, que ces choses-là sont des choses, on va les voir, ce sera visuel, on ne pourra pas nier les choses. Hein. Et il termine, à la fin, il mentionne un point ici. قال الحافظ الحكمي في معارج القبول والذي استظهر من النصوص والله أعلم أن العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن لأن الأحاديث التي في بيان القرآن قد وردت بكل من ذلك ولا منافاة بينها. Donc الشيخ الحافظ الحكمي في معارج القبول il dit par celui qui par qu'est-ce qui est apparent dans les textes, Wallahu a'lam, c'est que la personne qui fait les œuvres, ses actions et les livres dans lesquels il y a ses œuvres, tout ça sera pesé, comme c'est prouvé dans les hadiths et dans le Coran. Il n'y a pas de contradiction entre ces hadiths-là. Et il dit ici ensuite, wa qala ibn Abi al-Izz الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان ثم ساق رحمه الله ما يدل على ذلك. Donc l'imam Ibn Abi al-Izz il mentionne dans l'explication de la عقيدة الطحاوية que la balance, il dit ce qui a été prouvé par la sunna, c'est que la balance par lesquelles Allah va peser les œuvres et les personnes et les livres au jour de la résurrection, elle a deux plateaux et une langue, hein, deux plateaux, bon, il n'a pas mentionné ça, mais elle a deux plateaux qui sont réels. Ok? Et donc, c'est par ça que Allah subhanahu wa ta'ala va peser les œuvres au jour de la résurrection. Donc, on a terminé donc avec ce point-là pour aujourd'hui. Et dimanche prochain, on continuera avec la suite. de Al-Hawd. On va parler de Al-Hawd, c'est-à-dire la fontaine ou le bassin duquel les croyants vont boire au jour de la résurrection. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وفيكم بركة إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر.